fond, l'individu, tout ce qui est à l'extérieur, au niveau même de la mémoire, des archives, c'est tout le temps un support. Puis le contact, au fond, il est tout le temps par rapport de lui-même, avec d'autres strates de sa perception de lui-même. Puis le matériel sert de support. Donc, la personne, elle va, parce qu'on est configuré comme ça au niveau du mental, elle va avoir un petit peu l'impression qu'elle rentre en contact avec un humain, un homme, qu'elle a laissé une œuvre. Mais ça, c'est lié à la façon qu'on fonctionne. Mais il reste que, dans le fond, c'est juste un support. Puis la personne, elle rentre en contact avec sa propre intelligence. Dans le fond, c'est ça le but du matériel.